D'après le journal d'internet sud-coréen Saranghilbo, la solidarité du peuple 15 juin et 4 octobre a publié le 17 janvier une déclaration d'actualité pour établir un gouvernement pan-national 15 juin et 4 octobre en faveur de la souveraineté de la population et de la liquidation des corruptions.